13h20 sur France Inter. Il est temps pour nous de retrouver les rendez-vous avec X et Patrick Pénaud. À plusieurs reprises, M. X m'a parlé de l'Italie. Quel pays européen a connu autant de complots, d'intrigues et de manipulations politico-policières ou politico-financières? Attentats et kidnappings ont émaillé l'histoire italienne récente. Et l'opération Main Propre a permis de soulever en partie le voile sur une classe dirigeante inventive, mais souvent profondément corrompue. On a aussi constaté que les services secrets italiens avaient été à maintes reprises impliqués dans des affaires louches. Compromission avec des mouvements d'extrême droite, participation à des attentats, complot contre le pouvoir en place. Et à chaque fois, bien sûr, on a prononcé le mot « mafia ». La pieuvre, omniprésente, omnipuissante. L'Italie semble toujours gangrénée, malgré les efforts considérables accomplis par la justice et la police italienne pour se débarrasser du ou des monstres. Mais n'est-ce pas parce que la pieuvre est tapie au sein même du pouvoir? J'ai posé la question à mon interlocuteur qui semble si bien connaître l'Italie. Ensemble, nous avons évoqué le célèbre Lucky Luciano, le repenti Thomas Buscetta, le parrain Vito Genovese, mais aussi le juge Falcone, le général Della Chiesa et l'ingénieur Mattei, dont la mort, dans un mystérieux accident d'avion, suscite encore bien des questions. Je vous propose aujourd'hui la première partie de cet entretien consacré à la renaissance de la mafia pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais avant d'entendre M. X, je vous propose quelques informations sur l'origine de la mafia. Et d'abord, sur le mot lui-même. Il semble provenir d'un vieux mot toscan, mafia, avec deux F, mot signifiant misère. Si la mafia doit à une pièce populaire italienne du XIXe siècle d'être associé à l'idée de pègre criminel, le mafioso sicilien est à l'origine un bandit d'honneur, un juste opposé à la tyrannie des princes et des seigneurs. Pour survivre dans l'illégalité, il rejoint d'autres insoumis. Des organisations clandestines voient peu à peu le jour. Elles fonctionnent un peu comme des sociétés de secours mutuels qui protègent les faibles et corrigent les injustices. Des sociétés dont les membres n'hésitent jamais à sortir le lupara, c'est-à-dire le fusil à canoncier, l'arme traditionnelle du mafioso. Mais très vite, Robin des Bois se mue en gangster. Le mafioso, qui s'impose comme l'arbitre entre les possédants et les exploités, devient un personnage incontournable dont il faut monnayer la protection. Bientôt, grâce à ce qu'il faut bien appeler un racket, il règne sur les échanges économiques et se met au service des grands propriétaires pour qui il recrute les travailleurs. Dès la fin du siècle passé, les mafiosi, regroupés en familles ou en clans fortement hiérarchisés et réglementés, dominent et contrôlent la vie de l'île. L'omerta, c'est-à-dire la loi du silence, est de règle. Et l'organisation met au point un système de fourniture d'alibi pour ses hommes de main et ses exécuteurs. La mafia moderne est née. Et à partir de 1912 et de l'instauration du suffrage universel, elle prend également en main le corps électoral et le destin politique des dirigeants locaux. Et d'où vient cet intérêt pour la mafia? Ah bah écoutez, je vais peut-être vous étonner, mais j'ai toujours été fasciné par l'histoire de l'Italie. Une vocation rentrée d'historien? Peut-être, oui. Mais quand on s'intéresse aux renseignements, on ne peut pas ignorer l'histoire, à moins de commettre d'irréparables erreurs. Ça, oui, je veux bien vous croire. Et puis, il y a une autre raison. Un de mes très bons amis, un homme que j'ai connu pendant la guerre, a eu quelques faiblesses une fois la paix revenue. Quelques faiblesses, ça veut dire oui, quoi? Bon, disons que cet ami, qui était pourtant promis à une très brillante carrière en raison de ses états de service, a très mal supporté le retour à une vie tranquille et qu'il a choisi de vivre en marge. En marge, c'est-à-dire en marge de la société? Oui. Un voyou? Exactement, même si le mot ne lui ressemble guère. En tout cas, cet ami dont je tairai le nom a eu affaire à la mafia. C'est un peu grâce à lui que ma curiosité a été aiguisée. Et ça, donc, c'était quand? Assez peu de temps après la fin de la guerre, dans les années 50. Donc j'ajoute que mes activités de l'époque m'ont aussi encouragé à perfectionner mes connaissances dans ce domaine parce que j'ai découvert très très vite que la mafia n'était pas seulement une organisation criminelle. Pas seulement, c'est-à-dire ? Bien derrière les crimes, derrière les trafics de tout genre, il y avait aussi une volonté politique. Et naturellement, l'action de quelques services secrets. Ah, nous y voilà. Hein. Le contraire vous eût étonné, non ? Et bien sûr. Hein. Un mot d'abord. La mafia sicilienne, j'entends, était pratiquement exsangue au début de la guerre. Pour quelle raison, ça ? Elle avait été sévèrement étrillée par le régime mussolinien. C'est-à-dire que les fascistes y voyaient une sorte de concurrence ? Oui, c'est à peu près ça, oui. Enfin, n'oubliez pas que les mafiosi contrôlaient complètement la politique locale. Et les fascistes italiens ont employé les grands moyens pour réduire la mafia. Envoi de troupes en nombre, utilisation de la torture. Mussolini n'a rien négligé pour se débarrasser des mafiosi. Il a presque réussi. Presque ? Oui. On n'élimine pas une culture comme ça, à moins de tuer tous ses représentants. Ouais, une culture, là, c'est... Ah, j'exagère à peine. Au fil du temps, la mafia, enfin la vieille mafia, avec ses rites, ses codes, ses hommes d'honneur, était devenue partie intégrante du paysage sicilien. Et puis, surtout, elle avait fait souche de l'autre côté de l'océan. Ouais, aux États-Unis. Oui. Et là-bas, comme vous le savez, la mafia s'est développée de façon spectaculaire. Est-ce que vous avez une explication ? C'est intéressant, ça. Dans un pays neuf, tout est possible. Et les immigrés siciliens ont très vite compris que le système de raquettes mis au point dans leur île pouvait très bien s'adapter à une économie en pleine expansion. Mais la vraie raison du succès de la mafia en Amérique, c'est l'instauration de la prohibition. Prohibition d'alcool, c'est-à-dire que... Malgré lui, au fond, le gouvernement américain a favorisé le gangsterisme. Exactement. Oui. Oui. Le trafic clandestin d'alcool a non seulement permis aux gangs siciliens de s'organiser, c'est à cette époque qu'est réellement né le syndicat du crime, oui. Mais il leur a donné l'occasion de prendre le pas sur les autres bandes irlandaises et juives, et surtout, il leur a procuré des profits absolument énormes. Des profits qu'ils ont investis, après la fin de la prohibition, dans d'autres activités criminelles et sur une plus grande échelle. Il faut aussi dire qu'une nouvelle génération de gangsters est apparue à cette époque, plus violente encore, plus impitoyable. Oui, mais est-ce que ces mafiosi-là ont gardé le contact avec l'île natale, avec la Sicile ? Bien entendu. Les échanges n'ont jamais cessé. Tous avaient gardé des parents au pays et ils restaient profondément attachés à leur île et à ses traditions. D'ailleurs, les truands siciliens installés aux États-Unis ont purement et simplement calqué l'organisation hiérarchique de leur famille sur celle qui existait dans l'île. Oui, donc avec un parrain à la tête de chacune d'entre elles. Oui, un padrone, assisté d'un conseiller et d'un caporégime, chargé, lui, de diriger les soldats, c'est-à-dire les hommes de main attachés à la famille. Exactement comme dans le film de Coppola. Oui. Mais vous savez certainement que Coppola s'est inspiré de la vie d'un vrai parrain, Vito Genovese, qu'on appelait avec respect Don Vitone. Mais je vous en parlerai plus tard. En Sicile, les familles, entendez les clans, étaient regroupées au sein d'un organisme collégial, la coupole. Une sorte de directoire. Tout à fait. Une structure qui régissait les rapports entre les familles et permettait, en principe, d'éviter les règlements de compte internes. Eh bien, aux États-Unis aussi, la mafia, ou plutôt la Cosa Nostra, comme on va désormais l'appeler, va s'organiser sur le même modèle. Et celui qui a eu cette idée s'appelait Luciano. Lucky Luciano. J'imagine que vous avez entendu parler de lui. Luciano le chanceux, hein, c'est ça. Drôle de type, ce Luciano. Un génie dans son genre. Un génie du crime. À peu près, oui. Parce qu'il a réussi à faire en sorte que les 24 principaux gangs existants aux États-Unis taisent leurs sanglantes querelles, fassent enfin la paix, et coopère au sein d'un cartel dirigé par un comité national. Ce qui n'était pas une mince affaire, d'autant qu'il n'y avait pas que des Siciliens. Il y avait aussi les Juifs et les Irlandais. Et toutes ces familles de gangsters l'ont accepté là. Luciano n'était pas un tendre. Les chefs qui ont refusé cette union sacrée ont été purement et simplement liquidés. C'est ce qu'on a appelé en Amérique les vêpres siciliennes. Une cinquantaine de gangsters abattus en une seule nuit. Ouais, c'est en effet assez radical. C'est comme ça que Luciano a commencé d'entreprendre ce qui est alors apparu comme la bureaucratisation de la mafia. La bureaucratisation, mais aussi la modernisation de l'industrie du crime. La modernisation, hein, ça, racontez-moi. C'est à partir de ce moment que la mafia va peu à peu infiltrer systématiquement les syndicats professionnels. C'est aussi à l'initiative de Luciano la prise en main par la mafia américaine du trafic de l'héroïne. Pour une double raison. D'abord, parce que c'était extrêmement rentable et que le produit était peu encombrant et donc facile à transporter et à vendre. Ça, c'est une façon de voir, une façon commerciale de voir. Oui. Et ensuite ? Luciano a découvert que la consommation d'héroïne permettait de contrôler efficacement les prostituées. Le joli personnage. Luciano était avant tout un type réaliste et il voyait les choses en grand. Avant-guerre, il avait la haute main sur presque 200 bordels et on a compté qu'il employait 1200 prostituées, ce qui lui procurait un revenu annuel de 10 millions de dollars. Ah, en effet, mais... Et ça sans avoir jamais d'ennui avec la justice américaine ? Pendant des années, non. Mais malgré le fait que beaucoup de policiers et de juges aient été achetés par Luciano et les hommes de la mafia, il s'est quand même trouvé un homme bien décidé à faire tomber celui qui apparaissait à l'évidence, comme le gangster numéro un des États-Unis. Et qui c'est celui-là? Un procureur, Thomas Dewey. Un ambitieux qui deviendra gouverneur de l'État de New York et sera plus tard candidat à deux reprises à l'élection présidentielle. Les résultats alors de... Eh bien, Dewey va arriver à ses fins. Et n'arrivant pas à faire inculper Luciano pour trafic de drogue, il le coince pour proxénétisme organisé. Et le gangster écope d'une peine faramineuse entre 30 et 50 ans de réclusion. Et ça se passe exactement quand? En 1936. Et paradoxalement, c'est grâce à cette condamnation que la vie de Luciano va connaître un véritable bouleversement. Car à peine 10 ans plus tard, on va le présenter comme un héros. Les documents sur Luciano sont nombreux, tant ce personnage de gangster a, semble-t-il, fasciné. Dans un article de la revue Historia, Jean Marcilly confirme par exemple que c'est bien Luciano qui est à l'origine du rapprochement des différents gangs américains. Les principaux chefs ont participé à une réunion à Atlantic City en 1929. Le syndicat du crime est né. Il se compose d'un comité directeur comprenant 9 membres. Il n'y a pas de chef désigné et les décisions doivent être prises à la majorité, mais il est évident que c'est Luciano qui en est l'âme. Marcilly raconte encore comment Luciano a obligé les chefs des familles de la mafia encore réticents à coopérer, et en particulier les chefs des deux grandes familles de New York, je le cite. Avec une habileté diabolique, il met au point l'exécution de Joe Masseria en avril 1931, puis celle de Don Salvatore Maranzano le 10 septembre 1931. Le même jour, il déclenche les fameuses vêpres siciliennes. Dans tous les États où la mafia est présente, les dons et leur capi régime ont dû accepter la proposition du nom sacré de toutes les associations criminelles définies lors du congrès d'Atlantic City. Ceux qui ont refusé passent la main en rendant l'âme. Ce sera le cas pour 52 d'entre eux, assassinés dans la nuit du 10 au 11 septembre. Ce fut en quelque sorte une nuit des longs couteaux avant la lettre. Mais revenons à mon entretien avec M. X. Il me disait qu'emprisonné pour proxénétisme, Luciano allait bientôt devenir un héros. Un héros, c'est peut-être quand même un peu beaucoup, non? Effectivement, le droit de trouver ça étonnant, mais c'est pourtant la vérité. Expliquez, là. En 1943, en pleine guerre, donc, Lucky Luciano fait appel devant le président de la Cour suprême. Il demande une réduction du total de sa peine aux années qu'il a déjà passées en prison. C'est-à-dire qu'en fait, il demande sa libération immédiate. Hein. Et avec quel argument, ça? Eh bien, l'avocat du gangster affirme que son client a rendu de grands services à la nation dans son effort de guerre et qu'il a apporté son concours aux plus hautes autorités militaires américaines. Il est en prison, alors ce serait du fond de sa cellule qu'il a... Oui. Mais ça vous paraît sérieux? Attendez, ce qui est surprenant, c'est la réponse du président de la Cour suprême. Tout en rejetant la demande de Luciano, il dit que si le détenu continue à coopérer, il n'est pas exclu qu'il soit libéré après le dépôt d'un nouveau recours. Et coopérer, ça veut dire quoi? J'y viens. Mais avant, je vais vous dire qu'à la fin 1945, donc après la fin des hostilités, Luciano sort de prison, après un avis unanime de la commission des libérations conditionnelles. Une nouvelle fois, il est fait allusion au mystérieux service rendu par le gangster en temps de guerre. A noter que l'homme qui signe l'ordre de libération de Luciano n'est autre que Thomas Dewey, le gouverneur de l'État. Donc celui qui l'a fait condamner lorsqu'il était procureur. Oui, étonnant, non? Alors, ces services rendus? Revenons en arrière. En début 1942, il se produit un événement grave et inattendu dans le port de New York. Le navire français Normandie est ravagé par un incendie. C'était alors un paquebot qui était aux mains des Français libres. Oui, et les Américains comptaient bien l'utiliser pour transporter des troupes en Europe. Cet incendie a provoqué beaucoup d'émoi. Oui, c'est naturel, mais enfin, on peut peut-être en dire plus. Hein. Parce qu'on pensait qu'il y avait de fortes chances que ce soit un attentat. Un attentat qui aurait été perpétré par qui? À qui pouvait-on penser à cette époque? Nazis, c'est ça? Exactement. Et ça signifiait qu'un réseau de saboteurs allemands opérait peut-être dans les ports des États-Unis. Alors même que l'issue de la guerre allait en grande partie dépendre des envois de troupes et de matériel américain vers l'Europe. Enfin, vous avez dit peut-être. Mais parce qu'il n'y avait pas de preuves. Mais ce qui arriva devait arriver. Les autorités ont fait appel aux seuls hommes qui pouvaient faire la loi dans les zones portuaires et les chantiers navals. Les dockers. Les dockers, oui. Les dockers dont le syndicat était étroitement contrôlé par la mafia. Donc c'est là que Luciano est intervenu. Eh oui, vous avez tout compris une fois de plus. Des représentants des services secrets de la marine américaine sont allés le voir dans sa cellule Et le gangster leur a rapidement fait comprendre qu'il était incontournable. Si on veut avoir la paix et la sécurité dans les docks, il faut en passer par lui. Ça paraît simple, non? Oui, oui. Devant ces types, Luciano promet que désormais, plus aucun saboteur ne pourra opérer sur les quais, et ce sera le cas. Et en retour, ce grand patriote demande sa libération anticipée. Mais on ne la lui accorde pas tout de suite. C'est encore trop tôt. Toutefois, on lui laisse entendre que bientôt... Et puis on le change de prison. Luciano vit maintenant dans le confort et peut recevoir, comme il le veut, ses amis de la pègre, en attendant la libération qu'on lui a promise. Le gangster a vraiment très bien joué. Que voulez-vous dire, là? L'insinuation Oui, j'en ai pas la certitude, mais je suis à peu près persuadé que ce sont des hommes à la dévotion de Luciano qui ont mis le feu aux Normandies. Et pour faire croire à l'existence de saboteurs nazis? Oui, c'est ça, oui. Obliger les autorités militaires américaines à négocier avec Luciano afin d'obtenir l'aide des dockers. Oui, mais est-ce que pour autant, les nazis n'ont jamais tenté de saboter le départ des convois américains? Je n'ai pas dit ça. Je vous ai simplement exprimé ma conviction à propos de l'incendie du Normandie. Mmh. Donc Luciano va finir par être libéré pour service rendu. Oui, mais après la fin de la guerre. Oui, mais si je me souviens bien, on a aussi dit que Luciano avait facilité le débarquement américain en Sicile en demandant à ses amis de la mafia de faciliter les opérations militaires des alliés. Oui, oui, je sais. C'est vrai que les mafiosi ont aidé les Américains, mais Luciano n'y est pour rien. N'oubliez pas que la mafia avait une sérieuse revanche à prendre sur Mussolini. Elle n'avait nul besoin d'être aiguillonnée par Luciano pour aider les Américains. D'ailleurs, elle y a rapidement trouvé son compte parce que c'est grâce aux Américains que la mafia sicilienne a retrouvé sa puissance passée. Alors, c'est une légende donc que l'intervention de Luciano. Oui, une légende qui arrangeait tout le monde. Lorsqu'il fallait bien expliquer à l'opinion américaine pourquoi on allait bientôt libérer un gangster aussi redoutable. Et pourtant, Luciano va quand même jouer un rôle en Sicile, un rôle très important, et à la demande des services américains. Et là, je ne comprends pas tout à fait, là, de quoi s'agit-il? Sur le plan militaire, la conquête de la Sicile ne pose absolument aucune difficulté aux blindés de Patton. Grâce à la mafia. Hein. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Mais sur le plan politique, c'est autre chose. C'est-à-dire? Eh bien, les officiers de renseignement américains notent au fur et à mesure de leur avance que les forces de gauche sont de plus en plus influentes. Mm-hmm. Le Parti communiste en particulier, principal artisan de la résistance, est très populaire. Et les Américains sont inquiets. Et là, ils vont faire appel à la mafia, alors? Oui. L'honorable société, comme on l'appelle, apparaît comme une alliée naturelle dans le combat contre les communistes. Parce que le Parti communiste italien représente une menace directe contre le pouvoir quasi-féodal de la mafia. Mais Luciano, là-dedans? Il va peser de tout son poids. Non seulement auprès de ses amis et parents siciliens, mais aussi auprès des mafiosi, très nombreux, qui avaient été incorporés dans l'armée américaine. Mais vous avez une preuve de ce que vous avancez, là? Au moins une, oui. Un homme, un simple interprète, va devenir peu à peu un des officiers les plus importants des forces américaines d'occupation. Or, ce type, Vito Genovese, n'est autre que l'un des principaux lieutenants de Luciano. Et ça, c'est le futur parrain. Lui-même. Ouais. Alors, ça me paraît clair, non? Donc, Luciano est une sorte d'inspirateur de cette croisade anticommuniste. Inspirateur, c'est peut-être beaucoup dire, mais il incite ses amis à y participer. Et comme les mafiosi ne sont pas des philanthropes, oui. Ils en profitent surtout pour gangréner les forces d'occupation américaines et en tirer le plus grand profit possible. Ouais, de quelle façon ils... En organisant un véritable trafic. Marché noir? Oui, oui. Et bientôt, dès que Luciano, libéré, gagne l'Italie et retrouve ses amis, il va mettre au point un gigantesque marché de la drogue, grâce aux États-Unis, en somme. Les États-Unis qui seront pourtant les premières victimes de ce trafic. Patrick Penaud pour Rendez-vous avec X. Voici ce que je lis dans un article de l'Encyclopédia Universalis consacré à la mafia. Les militaires américains, lors du débarquement, ont plus ou moins légalisé le rôle d'instrument politique occulte de la mafia. Les mafiosi n'ont pas manqué de manipuler les bandits apparus à la faveur des luttes politiques qui ravagèrent la Sicile à peine libérée du fascisme. Parmi les interprètes et conseillers italo-américains de l'armée américaine, il y avait de nombreux gangsters. Ils introduisirent en Sicile les mœurs et les ambitions de la Cosa Nostra. Ce fut pour l'île comme un nouveau coup du sort historique qui s'acharna sur elle en raison de sa position géographique. Stimulés par leurs cousins d'Amérique, les jeunes mafistes contestèrent leurs prédécesseurs et s'efforcèrent d'installer en Sicile une branche de la mafia criminelle et internationale. Et parmi ces cousins américains, il y avait incontestablement Lucky Luciano. Luciano, libéré fin 1945, est immédiatement expatrié en Italie. Luciano libéré est donc en Italie. Oui, et il n'est pas seul. beaucoup d'autres gangsters de la Cosa Nostra ont été aussi expulsés. Une vraie aubaine pour Luciano. Pourquoi ? Parce qu'il a la main. Parce que ça lui permet immédiatement de mettre en place son consortium. Donc un consortium de trafic de drogue. Hein, oui, essentiellement de l'héroïne. Et Luciano, qui se sent intouchable... Grâce au service rendu. Bien sûr. Luciano, donc, va voir très grand. Il travaille d'abord avec des firmes pharmaceutiques. Et pharmaceutiques, pourquoi ? Qui fabriquent de l'héroïne, oui, non ? Oui, oui, presque légalement. Et puis ensuite, il organise un réseau très sophistiqué. La morphine base est achetée au Moyen-Orient, elle est acheminée jusqu'en Europe, où elle est transformée en héroïne. Puis, la drogue est convoyée aux États-Unis. Car le véritable objectif, ce sont les États-Unis, où le diabolique Luciano, grâce à son réseau de revendeurs, va donc multiplier la demande dans des proportions inouïes. Et on le laisse faire. Je note simplement que pendant 10 ans, aucune saisie d'importance n'a été effectuée par la police ou la douane américaine. Donc vous laissez entendre que pendant tout ce temps-là, Luciano était protégé. Ça me semble évident, non ? Car Luciano continuait de rendre des services. Alors maintenant, quel genre de services ? Je vous ai dit que la morphine base était transformée en Europe. Où ? Les laboratoires étaient installés en Sicile même, mais surtout à Marseille. Et ça explique beaucoup de choses. À Marseille, ça m'intéresse, ça je vous écoute. À Marseille, c'était les truands corses qui tenaient le haut du pavé. Oui, les Guérini. Oui, ils étaient arrivés où ils en étaient à la faveur de la guerre. Il faut dire qu'eux, ils avaient choisi le bon camp. Exact. Ceux-là, à la différence de beaucoup de gangsters français, n'avaient pas trafiqué avec l'occupant et avaient effectivement aidé la résistance. Mais ils ne s'étaient pas amendés pour autant. Ouais, il ne faut quand même pas rêver. Vous avez raison. Mais ce qui est moins connu, c'est que ces gangsters corses avaient joué un grand rôle dans la répression des grèves de dockers sur les quais de Marseille lors des événements de 1947 et de la grande grève de 1950 aussi. Et quel rôle ils avaient joué de quelle façon ? En envoyant leurs hommes contre les grévistes. Et croyez-moi, ils n'ont pas fait dans la dentelle lorsqu'ils se sont attaqués au piquet de grève. Mais derrière, il y avait de l'argent, beaucoup d'argent. Et la CIA. La CIA qui a financé toutes les actions anti-grévistes afin de lutter contre les communistes. Vous commencez à y voir. Oui, alors on a les truands en Corse, la CIA et Luciano qui a rendu 2 si grands services dans cette lutte anti-communiste en Italie. Hein. Et qui est, en tant que Sicilien, un excellent intermédiaire entre les gars de la CIA et les Corses. Tous ces gens-là avaient des intérêts communs. Et tous se trouvaient opportunément réunis pour que Marseille, à l'initiative de Luciano, et avec la coopération des Guérini, bien sûr, devienne le laboratoire de transformation de drogue de l'Amérique. C'était d'autant plus facile que les gangsters, après l'échec de la grève de 1950, régnaient désormais en maître sur les quais de la ville. Au fond, comme à New York. Comme à New York, oui. Et c'était idéal pour expédier la drogue vers les États-Unis. Donc, à votre avis, la CIA ne pouvait ignorer cela ? Bien évidemment. Mais une nouvelle fois, les Américains avaient choisi le réalisme au nom de la lutte anticommuniste. Et tant pis si ces manœuvres occultes se retournaient contre leur propre jeunesse victime au premier chef de la drogue. Mais si Luciano avait des liens si étroits avec les services américains, en particulier avec la CIA, n'était-il pas un peu aussi indicateur, non ? Vous touchez là un des points essentiels. Une organisation aussi importante que celle de Luciano ne pouvait pas fonctionner sans de nombreuses complicités à tous les niveaux. Donc des complicités quoi, politiques ? Essentiellement. Mmh. En Italie, mais aussi aux États-Unis, bien sûr. Et sans doute dans d'autres pays. Mais vous le savez bien, c'est souvent donnant-donnant. Luciano était un corrupteur, mais il devait parfois donner des gages. Des gages, c'est-à-dire des noms ? Par exemple. Ouais. D'ailleurs, ça lui a rendu bien service. Et pourquoi ? Oh, ne serait-ce que pour se débarrasser de quelques amis un peu trop encombrants. Il vivait en Italie, surtout à Naples. Il lui était difficile de diriger à distance le syndicat du crime qu'il avait édifié et patiemment construit avant guerre. Et ses petits copains, j'imagine, voulaient lui piquer sa place. Voilà. Alors Luciano en a fait assassiner quelques-uns, il en a dénoncé d'autres, ce qui provoquera sa propre fin. Ah bon, racontez là. L'homme qui est son véritable rival, c'est son ancien lieutenant. Le parrain là, toujours Genovese, Don Vitone. Lui-même, Don Vitone a pu revenir sans difficulté aux États-Unis, il est devenu le vrai patron du crime organisé là-bas. Cela, Luciano ne peut le supporter. C'est son empire que Genovese lui a volé. Son enfant, vous comprenez ? On peut voir les choses comme ça. Oh, puis de façon très machiavélique, Luciano se dit que s'il arrive à faire tomber Genovese, les autorités américaines lui en seront peut-être reconnaissantes et lui permettront de rentrer au pays. Alors, comment aurait-il procédé là pour se débarrasser de son rival ? Oh, assez classiquement. Il livre au Narcotics Bureau un faux témoin qui accuse Don Vitone de trafic de drogue. Et le parrain tombe. Il est condamné à 15 ans de prison. Donc Luciano récupère son empire ? Pas vraiment, non. Parce que les Américains préfèrent le savoir en Italie. Prudent. Alors Luciano écume et finalement il offre au Narcotics Bureau de lui fournir la liste de tous les trafiquants américains. Rien que ça. Mais une nouvelle fois, les Américains lui ferment la porte. Et pour quelle raison, là, cette fois-ci ? Bah, parce qu'ils trouvent que ce Luciano en sait beaucoup trop. et que s'il commence ainsi à dénoncer pêle-mêle tous ses amis, il risque un jour de révéler quelles ont été ses vraies relations avec la CIA et les autres services américains. Et à leur tour, ils décident d'éliminer Luciano. Ah, comment ? Là encore, de façon assez classique. Ils s'arrangent pour que la famille de Genovese apprenne que si le parrain est tombé, c'est à cause de Luciano. Et de sa prison, Don Vitone ordonne l'exécution de Luciano. Et ça se passe exactement de quelle façon ? Oh, très finement. Luciano, ses ennemis le savent, a le cœur malade. Et il porte sur lui en permanence une boîte à pilules, des pilules de trinitrine. Oui, c'est un médicament qu'on utilise lors des crises d'angine de poitrine. Oui. Donc, ce jour du début de 1962, Lucky Luciano se trouve à l'aéroport de Naples. Il vient y accueillir un producteur américain qui veut faire un film sur sa vie. Il se sent un peu anxieux et va boire un jus d'orange. Et en même temps, il avale deux pilules. Et puis il va devant les arrivées, il voit le producteur, son cœur cogne. Il avale deux nouvelles pilules et soudain, il s'écroule, mort instantanément. Empoisonnement. Bien sûr, même si on a soutenu que c'est une crise cardiaque qui a eu raison du gangster. Les pilules de trinitrine avaient été trafiquées par un homme de Don Vitone et le parrain était vengé. Don Vitone et Genovese survivra 7 ans à son ennemi Luciano. Il mourra en prison en 1960. Alors, la mort de Lucky Luciano, empoisonnement ou pas ? Officiellement, c'est une crise cardiaque qui a emporté le gangster. Mais son médecin, qui l'a soigné pendant plus de 10 ans, le docteur Giacomo De Martino, a déclaré que l'affection cardiaque dont il souffrait ne pouvait entraîner une mort aussi brutale. D'autre part, l'autopsie pratiquée à l'Institut de médecine légale de Naples par le docteur Pietro Varga aurait mis en évidence des trous dans ses viscères, trous qui auraient pu être provoqués par une substance comme le cyanure. Toutefois, étrangement, le praticien a conclu un accident cardiaque. Il faut ajouter que la mort de Luciano est survenue de façon opportune. Quelques jours plus tôt, des hommes de Luciano s'étaient fait arrêter en Espagne et la police italienne était, semble-t-il, décidé à l'arrêter. Une arrestation qui aurait peut-être eu des effets dévastateurs sur l'ensemble du gang. Je vous retrouve samedi prochain sur France Inter avec la suite de ma conversation avec Monsieur X. Il sera toujours question de la mafia et de la mort mystérieuse d'un homme étonnant, l'ingénieur Mattei. Merci à Patrick Pénaud. Je vous rappelle que vous pouvez désormais le retrouver aussi en librairie dans Mémoire secrète de Monsieur X, présenté bien sûr par Patrick Pénaud aux éditions de Noël France Inter.